peux mettre Paris en bouteille, ouais. Et si on découpe, si on non, découpe, non, non, non, non, on ne découpe pas, c'est si, S-I. S-I. C'est S-I. Ça peut, il non, non, si on rétrécit Paris, si on rétrécit Paris, on peut mettre Paris dans une bouteille. Ah, d'accord. Mais c'est ça. C'est ça. Moi aussi, je me dis qu'avec une scie, hein, une scie qui scie, ouais. Paris en plusieurs morceaux, oh, non, on oh, finit par la oh, vas-y, non, tu t'arrêtes au CP1 ou bien quoi. C'est la scie qui peut mettre Paris en bouteille.